Chapitre 6e. Tandis que le père et la fille causaient ensemble auprès d'un bon feu, échangeant des confidences pleines d'affection, Morton Blake se promenait dans le jardin, l'âme agitée. Il se dirigea vers la fenêtre du bureau de justice et regarda dans cette pièce. Devant une table en chêne placée au milieu, le criminel achevait son repas. On l'avait laissé seul. Personne n'était là pour lui mesurer sa part. Il enfouissait viande et pain avec la voracité d'une bête féroce plutôt que d'un homme. En même temps, ses yeux inquiets se dirigeaient vers la porte, comme s'il eût craint qu'on ne le dérangeât. Comment le remords a-t-il pu pénétrer dans une nature aussi brutale, aussi grossière et aussi vile? Se dit Morton en regardant le vagabond. C'est donc là, le misérable assassin de mon père. Ah, que ne puis-je en ce moment venger moi-même sa mort? Vargas, lui, mettait toujours les morceaux doubles. Une fois seulement, il fit une pause. Ce fut pour regarder à ses genoux et sous la table, en poussant un léger soupir de regret. « Que je voudrais que Tim fût là » s'écria-t-il. « C'est lui qui se serait pour lécher la babine. Mais il aura une large pitance de son côté, j'en suis sûr. Car quoi qu'on dise, ce Révérard a du bon. » L'appétit de cet ogre finit par s'apaiser. Il faut dire, du reste, qu'il ne restait plus que l'os du rôti. Vargas repu se renversa sur sa chaise d'un air satisfait. Sans doute il avait perdu la liberté. Sans doute les fers et le cachot l'attendaient. Sans doute le gibet se dressait devant lui. Mais, pour la première fois depuis de longs mois, il avait bien soupé, et la satisfaction bestiale qu'il en éprouvait lui faisait oublier tout le reste. Morton Blake quitta son poste d'observation et suivit une allée plantée d'arbres qui le conduisit sur la terrasse devant le château. La lune était élevée et le brouillard du soir avait disparu. Fairview se dressait au fond d'un ravin, en sorte que de la terrasse on apercevait le bois, la vallée, les lumières du village, tremblotantes comme des étincelles et à l'arrière-plan, la ligne confuse des toits de Highlair. Morton arpentait si vite le chemin qu'il ne sentait pas combien l'air était piquant. De temps en temps, il faisait une pause pour regarder du côté du jardin. Comme ils sont indifférents l'un et l'autre, se disait-il en hochant la tête. Peu leur importe que l'assassin de mon père vienne se dénoncer et se mette entre leurs mains. Dulcie elle-même préférait que ce misérable s'échappât, plutôt que de le voir expier son forfait. Qui sait si elle ne pousse pas la faiblesse jusqu'à le plaindre? C'était la première fois que Morton prenait de l'humeur contre sa fiancée. Puis il eut immédiatement un remords. Il tenait à la voir avant la fin de la soirée, bien qu'il ne fût pas disposé à causer musique, amour ou poésie avec elle, comme tout fiancé se plaît à le faire. Néanmoins, au lieu de se diriger du côté du château, il pénétra sous la pépinière et s'avança de réchef vers le bureau de justice. À ce moment, il vit que Vargas n'était plus seul. Sir Evrard, debout près de la table, tenait un papier à la main, lisant à haute voix. Le vagabond, chapeau bas, tournait et retournait son couvre-chef entre ses mains. À l'appel du magistrat, il s'avança vers la table, et apposa sa signature au bas de la déposition dont on venait de lui donner lecture. À le voir écrire son nom lentement, posément, correctement, on eût pu croire qu'il s'agissait d'un spécimen de calligraphie. « J'ai une voiture, » dit le constable, gros campagnard au visage joufflu et fleuri. « Je puis le conduire à Highlair. Vous n'êtes porteur d'aucune arme ? » ajouta-t-il en s'adressant à Vargas qu'il palpa d'une main expérimentée. « Aucune. » « Je voudrais bien savoir comment un pauvre mendiant comme moi pourrait se procurer un revolver. » Le constable lui mit les menottes, comme s'il se fût agi de la chose la plus simple du monde, puis, après avoir salué Sir Evrard, il emmena son prisonnier. « Dieu merci !» s'écria Morton, « je suis plus tranquille maintenant. » Il prit sa course vers l'avenue que le constable et Vargas devaient franchir. Là, masqué par un arbre, il attendit. Bientôt, le constable et Vargas passèrent devant lui, tous deux marchant à pas lents. Le prisonnier, tête baissée, les poignets serrés, les épaules courbées, ployant sous le lourd fardeau d'une longue vie de misère, de mépris et d'inconduite. Morton, sans pitié pour ce misérable produit d'une civilisation imparfaite, voua en ce moment une haine implacable au meurtrier de son père. Il ne renonça à suivre les deux piétons qu'après qu'il les eut montés dans une carriole attelée d'un cheval. Miséricorde! Ils vont passer sur les lieux mêmes où mon père fut trouvé mort il y a 20 ans, se répétait Morton en regagnant sa demeure. Tout en marchant, Il se demandait aussi comment il rendrait compte chez lui de ce qu'il venait d'apprendre. Le manoir de Tangley, distant d'environ 1 kilomètre du village d'Hawthorpe, était vaste et les terres des plus fertiles. Autour du château, on voyait un bois de hautes futaies. Le site était pittoresque. Les fenêtres du manoir, gaiement éclairées, semblaient de loin faire fête à Morton. « Pauvre tante Dora !» se disait-il en approchant de l'habitation. « Combien elle s'attend peu au récit terrible que j'ai à lui faire. Elle aimait tant son frère. Elle l'attend pleurer. Jamais aucune distraction n'a fait diversion à sa douleur, trêve à ses regrets. Il est de mon devoir de la mettre au courant de la nouvelle phase de ce terrible drame, car d'ici quelques heures, les journaux du comté ne parleront pas d'autre chose. »